Le ton senti disparaît dans la poussière et les noms qu'on réclame. Avec ta signature. Et la déportation. Entre cette abusée et ta peau révoltée, entre tes rêves fous de violence enchaînée, et ce obscur effroi du tortionnaire qui, entre les mains brisées de tes mains que l'on croit, entrevoit quelquefois son regard inhumain, pareil à celui qui s'amuse avec ton rêve de violence enchaînée par le métal. De leur pouvoir. Et ceux qui jouent encore à mutiler ton âme à l'ombre des potences au-dessus des charniers d'une dictature maudite de sol et comptable. Et ils t'ont brûlé et ils t'ont lâché tandis que sur l'écran se dessinent tes stigmates. Nous nous sommes révoltés devant notre dessert.